centaines et des centaines. Ouais. Fait que, on devient blasé et on apprend surtout à les connaître et à les côtoyer. Donc, c'est vrai que ça fait moins peur que les premières rencontres. Ouais. Mais c'est sûr qu'à la première rencontre, là, c'est impressionnant. Ouais. Donc, tu es allé plusieurs fois sur le terrain. Comment ça se passe? Cinq fois sur le terrain. Ouais. C'était où, en fait? Alors, c'est ça, j'ai un petit peu rigolé tout à l'heure aussi. Donc, après 2011, c'est pas Alberta, c'est les Saskatchewan. Ouais. Mais c'est pas grave. Donc on travaille au parc national de Prince Albert en Saskatchewan. Ah, il y avait du Albert dans l'air, hein. C'est ça, exactement. Mm-hmm. C'était pas l'Albertin, mais c'est parc national de Prince Albert. Et puis c'est au centre en fait de la Saskatchewan, à la limite sud de la forêt boréale. En fait. Donc c'est ça, c'est vraiment la limite sud de la forêt boréale. Et puis dans cette matrice de forêt là, puisque c'est vraiment une matrice de forêt qu'on a là, le parc est composé à 95% de forêt. On a des prés avec des lacs. Et puis ben dans le coup, on a des bisons, des plaines. Ils sont dans leur limite nord de répartition, mais ça reste des bisons, des plaines. Et puis qui se déplacent comme ça de pré en pré. Et donc ben on est intéressé en fait dans le laboratoire à étudier la répartition spatiale du bison, donc à comprendre quels sont les facteurs qui vont influencer les décisions de mouvement, les décisions d'approvisionnement aussi une fois rendues dans les prés. On a aussi le tout pour répondre à une problématique en fait de Parc Canada là-bas, qui est tout simplement que les bisons sortent à l'extérieur du parc. C'est pas un parc qui est fermé, contrairement à d'autres parcs nationaux qui ont des bisons, qui ont des barrières mises tout autour, donc les bisons ne peuvent pas sortir. Ce parc-là, il a une de ses frontières, c'est une espèce de petite rivière. Que les bisons ont commencé à traverser en fait. Ils ont commencé à ne plus avoir peur de l'eau, puis ils ont commencé à la traverser. De l'autre côté, c'est des terres agricoles, cultivées pour des plantes de soya, n'importe quoi, là, toutes sortes de plantes, ou des terres d'élevage aussi avec avec des bêtes. Et donc des bisons qui sortent d'un parc, qui arrivent à une cinquantaine dans un champ, ben ça fait du dégât. Ouais, un petit peu. Hein. C'est ça, ça fait du dégât. Ça s'attaque pas vraiment aux animaux d'élevage, par exemple. Ah, mais ce qui est plus embêtant, c'est le fait qu'ils vont passer à travers les clôtures et donc faire des trous dans les clôtures et permettre aux animaux de sortir. Donc ça, c'est l'aspect indirect un petit peu là de leur balade à l'extérieur du parc. Donc le but du jeu, c'est de comprendre pourquoi est-ce que les individus sortent, pourquoi est-ce que qu'est-ce qu'ils préfèrent dans le parc. C'est ça. C'est comme s'il n'y avait pas ce qu'il leur fallait dans le parc. Ils voulaient voir ce qu'il y avait, s'il y avait quelque chose de mieux à l'extérieur. Surtout qu'on sait que ces sorties là, on a commencé à les observer aux alentours de 2004-2005, mais c'était très peu. Et puis depuis en fait 2006 jusqu'à aujourd'hui, on a une montée croissante de ces sorties à l'extérieur du parc. Donc le but du jeu, c'est justement de comprendre, ok, pourquoi est-ce que tout d'un coup ils vont à l'extérieur du parc? Qu'est-ce qui fait que avant ça ils ne sortaient pas et puis maintenant ils sortent, alors que pour nous, en tout cas à première vue d'œil comme ça, on n'a pas l'impression que la végétation ait tellement changé, que la qualité de la végétation ait changé, qu'il y a autant de prés, les prés sont aussi grands. Mais est-ce que ça peut être parce que la population de bisons croît et qu'à ce moment-là, ils sont trop nombreux pour la surface du parc? Alors, il y a une époque où ça aurait pu être une hypothèse, parce qu'on a connu un pic en 2008 d'à peu près 400-450 individus qui avaient été recensés. Alors, ça aurait pu être le cas. Sauf que depuis 2008, en fait, la population a recommencé à régresser. Et là, le dernier compte en date, je pense que c'est à peu près de 200-300 individus. De 250, je pense, quelque chose comme ça. Donc, il n'y a pas de raison de croire maintenant que la population est trop grosse, parce qu'elle est ce qu'elle était à peu près en 2005. Maintenant, est-ce que c'est une habitude qu'ils ont prise? Ça peut être tout à fait sans effet. Peut-être que les sorties ont vraiment commencé à se faire quand la population a grandi. Puis là, maintenant que la population a régressé, ben, c'est juste que l'habitude est prise. Ouais. Donc, ça veut dire que tu étais allé voir sur le terrain, qu'est-ce qui faisait que les bisons se déplaçaient? C'est le grand but du laboratoire. Moi, je ne me suis pas forcément intéressée à cette question-là même. C'est sûr qu'il y a des personnes d'autres dans nos laboratoires qui sont intéressées plus à comprendre. Puis on est encore en train d'essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'ils sortent, parce que même si on a des pistes, on n'a pas encore tout. Il y a un prochain doctorat qui va rentrer dans le laboratoire au mois de janvier, pour qui ça va être vraiment le but principal de son doctorat. Moi, je me suis plus amusée à comprendre quels sont les facteurs qui influencent les décisions d'approvisionnement du bison, mais à l'intérieur du parc. Et même plus précisément, à l'intérieur d'un pré, pour voir un petit peu justement, si on était pour attirer ou pour garder les bisons à l'intérieur du parc, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour Les retenir, pour les retenir, pour essayer de dire, bon, ben, qu'est-ce qu'ils ont le plus besoin. Ça veut dire que si, par exemple, tu identifies qu'ils aiment bien tel genre de plante ou tel genre de micro-environnement, bah, c'est ce genre de micro-environnement qu'il faut recréer dans le parc pour les inciter à rester sur place. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce que tu as observé? À quoi t'ont mené tes observations? Différentes choses, parce que bon, un doctorat, ça se découpe en plusieurs chapitres. Mon premier chapitre était vraiment sur les choix alimentaires à très très fine échelle spatiale, donc bouchée par bouchée. Qu'est-ce que les animaux vont décider de prendre? Et on a trouvé en fait que les animaux sont capables de maximiser leur gain d'énergie, donc puisque comme n'importe quel animal vivant ou comme n'importe quelle même espèce vivante, le but du jeu quand tu te nourris, c'est de prendre de l'énergie. Et donc la question qui se posait, c'est que un animal a une qualité de végétation qui est très variable dans son environnement, c'est très très hétérogène. Comment est-ce qu'il fait pour toujours prendre la bonne décision? Est-ce qu'il prend toujours la bonne décision? Donc dans mon premier chapitre, c'est ce sur quoi je me suis vraiment intéressée. Et puis on a montré que c'est ça, ils étaient capables de maximiser leur gain d'énergie, quelle que soit la hauteur des plantes, quelle que soit l'espèce présente. Ils sont capables en fait de passer à travers ça, de passer à travers la hauteur ou autre. Là. Ils prennent toujours la bonne décision. Donc ils savent choisir quelle plante va leur apporter le plus d'énergie. En fait, on parle plus de communauté de plantes parce qu'un bison, ça, c'est comme les vaches, ça a une grosse bouche. Donc c'est pas très sélectif. Une chèvre, par exemple, va être très sélectif. Ouais. Ça a une toute petite, un tout petit museau et c'est capable vraiment là, d'aller chercher telle ou telle plante, telle ou telle feuille. C'est très capable. Donc c'est quelle bouchée de plantes va être. Mais c'est ça. Nous, c'était vraiment de se dire. C'est sûr et certain que le bison, il peut pas aller choisir. Oh tiens, je veux juste cette petite feuille là parmi tant d'autres. C'est impossible pour lui. Il a une trop grosse bouche. Fait que dans le coup, on c'était de dire bon ben il a affaire à une communauté de plantes. Comment est-ce qu'il va faire? Comment est-ce qu'il va faire pour choisir? Est-ce qu'il fait les bons choix? Parce que ultimement, c'est ça qui est important. C'est ce qu'il va faire, qu'il va survivre, pouvoir se reproduire, puis tout ça. C'est de faire le bon choix quand tu manges. Fait que le premier, c'est ça. Fait que dans le coup, on a trouvé que les bisons font toujours le bon choix. Et il y a un deuxième volet qui était plus sur la prédation. Est-ce que finalement, ça veut dire, est-ce qu'il y aurait des prédateurs du bison? On a un peu de mal à imaginer des prédateurs du bison. Oui, il y a des prédateurs du bison, certains. Dans le parc national de Prince Albert, c'est le loup. On a de l'ours noir aussi, mais il ne prédate pas sur les bisons. Par contre, voyez-vous, j'ai reçu l'autre jour un email qui me venait en fait, qui était sur TVA, sur canoë.tva, où est-ce qu'il montrait justement des photos qui avaient été prises par un biologiste d'un grizzly qui chassait un bison à Yellowstone. Ouais. Donc potentiellement que oui, il y a des prédateurs dans l'environnement. Chez nous, on parle essentiellement du loup gris. Puisque c'est son principal prédateur. Là aussi, c'est une prédation qu'on est en train d'étudier parce qu'elle est récente. Les premières attaques de bisons ont été observées en fait par moi-même. Je suis la première à en avoir vu une en vrai. Oui, t'as vu un loup attaquer un bison? C'était un groupe de loups, oui. Ils étaient six loups à attaquer un groupe de bisons dans un pré. Mon premier hiver de terrain, là, j'ai vu ça. Fait qu'on a su à ce moment-là que le loup s'attaquait vraiment au bison. Avant ça, c'était une hypothèse, mais il n'y avait jamais eu de vue. Mais est-ce que ça a été réobservé pour dire que c'est un comportement qui est comme ça? Oui, c'était un exceptionnel. On a posé des caméras dans les prés, on prenait des photos régulièrement aux 5 minutes, et puis on a vu, là, on était capable d'avoir des attaques de loups photographiées. Donc, on sait que ça se fait. Et puis, depuis 2006, en fait, la population de loups a beaucoup augmenté dans cette partie-là du parc. Et donc, avec cette augmentation-là aussi, on a vu beaucoup plus de prédation. La prédation est devenue un facteur important qu'elle n'était pas avant 2005 à peu près. Donc, les premières études qui ont été faites dans ce parc-là sont extrêmement intéressantes de toute façon, mais sont faites avec un risque de prédation qui était faible, alors que maintenant, on est vraiment dans un cadre où est-ce que le risque de prédation est un facteur important à prendre en compte. Donc, ça peut expliquer le déplacement des populations de bisons dans le parc et à l'extérieur? À l'extérieur, alors ça pourrait être à l'extérieur. Ça, moi, je ne me suis pas intéressée à ça parce que je ne travaille pas avec les données à l'extérieur du parc. Mais à l'intérieur du parc, oui, les bisons bougent plus fréquemment. lorsque le risque de prédation est élevé. Ils vont rester moins longtemps dans un pré lorsque le risque de prédation est élevé. Et c'est sûr que ce temps de résidence dans un pré va quand même varier en fonction de la taille de groupe. Plus tu es nombreux, plus il y a un effet de dilution par rapport aux prédateurs, ouais, plus ils vont rester quand même longtemps dans un pré. C'est atténué par la taille de groupe, c'est cet effet-là quand même. Mais oui, il y a un effet du risque de prédation, ils bougent beaucoup plus. Ils vont revisiter des prés avec un taux de risque de prédation beaucoup plus souvent, mais ça veut dire aussi qu'ils vont donc rester moins longtemps puis bouger beaucoup plus souvent entre les prés quand le risque de prédation est fort. D'accord. Donc la qualité de la nourriture, la prédation, en terminant, c'est les deux principaux aspects que tu as étudiés pour expliquer un peu le déplacement des bisons dans le parc. Avec la taille de groupe aussi. Ouais. Oui, avec la taille de groupe. Et alors, c'est quoi l'étape suivante? C'est de terminer d'écrire ton doctorat, soutenir la thèse. Il reste encore un chapitre à écrire, ouais, qui lui va porter plus sur les déplacements à l'intérieur du pré. J'ai vu ce qui se passait à très fine échelle, j'ai vu ce qui se passait au niveau de la bouchée, j'ai vu ce qui se passait là, maintenant au niveau du pré au total, du temps de résidence dans le pré. Alors maintenant, on va s'intéresser à l'échelle entre les deux, c'est-à-dire le mouvement qu'ils font pendant qu'ils s'approvisionnent. Voir un petit peu justement les différents facteurs, comment ils peuvent influencer le déplacement des bisons pendant qu'ils s'approvisionnent. Et bien à ce moment-là, on va te souhaiter une bonne chance pour terminer ton doctorat, d'écrire ce troisième chapitre, et puis une belle soutenance de thèse à venir également. Sûrement, on va finir par la voir. Ouais. D'accord. Alors, merci beaucoup, Sabrina, d'être venue nous raconter l'histoire du bison dans le parc Albert. Dans le parc national du Prince Albert. Parc national du Prince Albert dans la Saskatchewan. Merci beaucoup. Merci.